Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Épisode 4. Fukushima, une catastrophe nucléaire. Vendredi 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. Environ trois quarts d'heure plus tard, un tsunami de 14 mètres s'abat sur la côte, notamment sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui abrite 6 réacteurs de la compagnie TEPCO. La centrale conçue pour résister à un tremblement de terre de magnitude 8 et un tsunami de 5,7 mètres est ravagée. Dès la secousse, les réacteurs 1, 2 et 3 s'arrêtent automatiquement. La centrale n'est plus alimentée, les générateurs diesel lâchent à leur tour vers 16h30. Le niveau d'eau dans les systèmes de refroidissement baisse rapidement. Le combustible du réacteur 1 se met à fondre, ceux des réacteurs 2 et 3 également dans les jours qui suivent. Dans la nuit du 11 au 12 mars, le cœur du numéro 1 s'enfonce dans la cuve et la transperce. Le 12, le gaz d'hydrogène produit par le combustible provoque une explosion qui détruit le bâtiment. Même scénario pour le réacteur 3 qui est soufflé le 14. Ces explosions et dégazages, nécessaires pour abaisser la pression, propulsent de grandes quantités de radioéléments dans l'atmosphère. Du côté du réacteur 4, c'est la piscine d'entreposage touchée par un incendie qui inquiète. Le 15 mars, il est lui aussi touché par une explosion. Malgré l'intervention de l'armée, il faudra des semaines à TEPCO pour contenir la catastrophe, et des mois pour refroidir correctement les cœurs en déversant massivement de l'eau, ce qui contaminera l'environnement. L'accident a été classé au niveau 7, le plus haut sur l'échelle internationale des événements nucléaires, comme celui de Tchernobyl. Une exclusivité ce soir, Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, numéro 1 mondial de l'industrie nucléaire, est avec nous. Bonsoir. Vous Bonsoir. Ne vous êtes pas encore exprimé. Merci de le faire sur France 2. Avez-vous des informations? Il y a deux scénarios, l'un plutôt optimiste, on arrive à refroidir le réacteur, l'autre plutôt pessimiste et on a vu que ça pouvait mener très loin. Êtes-vous inquiète ce soir? Bien sûr que je suis inquiète. Je pense que d'abord, on est en face d'une catastrophe très, très importante au Japon, une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre d'une magnitude très, très élevée, un tsunami gigantesque. Il est clair qu'effectivement, le Japon est aujourd'hui extrêmement touché et avec des moyens de faire face à la crise nucléaire qu'ils connaissent, qui ne sont pas les moyens habituels. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste ? Non, pas une catastrophe, puisque aujourd'hui, je l'espère, ça c'est la version positive, je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire. Nous sommes effectivement un petit peu entre les deux. Le sujet, donc tous les réacteurs japonais, les 55 réacteurs, au moment du tremblement de terre, se sont tous arrêtés d'urgence. Il n'y a pas de catastrophe naturelle. Des milliers et des milliers de morts et de disparus. Des millions de gens qui ont presque tout perdu. Au moins pour l'instant. Des villes entières rasées. C'est comme si le Japon n'avait pas été frappé par un tremblement de terre, mais par des bombes atomiques. Comme si les maisons n'avaient pas été ravagées par un tsunami, mais par une guerre. Et c'est le cas, en effet. Mais les ennemis qui frappent aussi durement ne sont pas la terre ou la mer. Il ne s'agit pas d'instruments de vengeance d'une nature que nous nous sommes habitués à considérer comme hostile. L'ennemi, c'est nous. Nous sommes la guerre. L'humanité, c'est la guerre. La nature, C'est simplement son plus grand champ de bataille. Nous sommes la cause des inondations, en transformant l'atmosphère avec les activités industrielles. Nous avons changé les fleuves en cimentant leurs lits et en déboisant leurs rives. Nous avons fait s'effondrer des ponts en les construisant avec des matériaux bon marché et de mauvaise qualité pour obtenir plus de commandes. Nous avons effacé du sol des villages entiers en érigeant des cités dans des zones à risque. Nous avons contaminé la planète en construisant des centrales nucléaires. Nous avons élevé des cadavres en ayant pour seul but le profit. Nous avons négligé de prendre des mesures préventives contre de tels événements parce que nous ne nous soucions que de construire de nouveaux centres commerciaux et des stades et des lignes ferroviaires. Nous avons permis que tout cela se produise et se répète encore en déléguant les décisions qui touchent pourtant à nos vies, à d'autres. Et maintenant que nous avons détruit le monde pour pouvoir nous déplacer plus vite, pour manger plus vite, pour travailler plus vite, pour gagner de l'argent plus vite, pour regarder la télé plus vite, pour vivre plus vite, nous osons nous plaindre en découvrant que nous mourrons aussi plus vite. Il n'y a pas de catastrophe naturelle. Il n'y a que des désastres sociaux. Si nous ne voulons pas être victimes de tremblements de terre imprévus, d'inondations brutales, de virus inconnus et ainsi de suite, il n'y a rien d'autre à faire qu'agir contre notre véritable ennemi, notre façon de vivre, nos valeurs, nos habitudes, notre culture, notre indifférence. Ce n'est pas à la nature qu'il faudrait urgemment déclarer la guerre, mais à cette société et à toutes ses institutions. Si nous ne sommes pas capables de nous imaginer une autre existence et de nous battre pour la réaliser, alors il ne nous reste qu'à nous préparer à mourir dans l'existence actuelle, tracée et imposée par d'autres. Pour mourir en silence, comme nous avons toujours vécu. Un cœur qui fusionne, c'est quelque chose. Il faut imaginer de la lave, donc c'est quelque chose dont on connaît la composition vaguement. C'est du combustible, donc de l'uranium. Il y a du fer, il y a l'acier en fusion de la cuve. Donc vous avez plein de... C'est un mélange d'une centaine de corps différents. La chimie de ce qui se passe... On fait des essais qui approchent le comportement, mais on ne saura jamais. Si un jour on a une fusion du cœur, on pourra toujours dire « On pense qu'on est dans cette situation de fusion, mais on ne pourra jamais dire « Il n'y a que 20% du cœur qui est fondu, 40% du cœur, 32% du cœur. » Ça, les codes de calcul nous disent ça. En réalité, on aura simplement une appréciation de ce qui peut se passer. On vient d'entendre un physicien spécialiste du corium à la centrale expérimentale Phébus. L'air, l'eau, le bois, la pierre, le métal, tous les corps gazeux, liquides et solides ne sont rien d'autre qu'une multitude de petites particules chargées d'électricité et séparées par des vides. Voici par exemple un minerai. Si l'on pouvait grossir une parcelle de cette matière 100 fois, 100 millions de fois et plus de 300 millions de fois, on arriverait à distinguer les atomes dont elle se compose. Et l'atome, l'infiniment petit atome, est encore immensément grand par rapport aux particules qui le constituent. Il comprend un noyau central autour duquel les corpuscules appelés électrons gravitent à des vitesses inimaginables. Ce noyau central est la partie la plus lourde de l'atome. Le noyau de l'uranium-235 est un lourd, comprend 143 neutrons, 92 protons et 92 électrons. Qu'est-ce que le corium ? On ne communique pas beaucoup sur le sujet dans le milieu du nucléaire, sauf entre experts. En effet, c'est la bête noire du monde de l'atome, car cette matière n'existe qu'en cas d'accident grave. Three Mile Island en 1979, Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011 ont produit chacun leur corium. Si l'on connaît aujourd'hui les coriums des deux premiers accidents cités, on ne sait pas grand-chose de celui de Fukushima, car il faudra attendre des années avant que celui-ci ne se refroidisse et que l'on puisse l'approcher. Pour autant, on peut essayer d'évaluer sa nature, son action et ses conséquences. Définition du corium. Le corium est un magma résultant de la fusion des éléments du cœur d'un réacteur nucléaire. Il ressemble à de la lave en fusion, avec une consistance pâteuse, entre liquide et solide. Il est constitué du combustible nucléaire, uranium et plutonium, du gainage des éléments combustibles et des divers éléments du cœur avec lesquels il rentre en contact. Le corium est la matière des six extrêmes. Il est extrêmement puissant. Le combustible fondu est le constituant principal du corium. Le corium est extrêmement toxique. Le corium contient un nombre important d'éléments en fusion, interagissant entre eux sans cesse et produisant des gaz et des aérosols. C'est la toxicité de ces émanations qui est problématique, car les particules émises sont extrêmement fines, invisibles à l'œil nu et en suspension dans l'air. Elles peuvent se déplacer avec les vents jusqu'à faire le tour de la Terre. Il est extrêmement radioactif. Le corium émet tellement de radioactivité que personne ne peut s'en approcher sans décéder dans les secondes qui suivent. Il est extrêmement chaud. Sa température varie entre 2500 et 3000 degrés Celsius. Pour comparaison, la température de la lave d'un volcan se situe entre 700 et 1200 degrés Celsius. Cette chaleur importante, produite par la désintégration des produits de fission, peut faire fondre la plupart des matériaux qu'il rencontre, comme l'acier ou le béton. Il est extrêmement dense. Le corium a une densité de 20, c'est-à-dire 3 fois plus importante que celle de l'acier. Concrètement, cela signifie qu'un mètre cube de corium pèse 20 tonnes, contre 1 tonne pour un mètre cube d'eau. Il est extrêmement corrosif. Les cuves des réacteurs sont fabriquées en acier. Tout va bien si la température est maîtrisée. Mais en cas de panne du système de refroidissement, la cuve peut subir de graves dommages causés par la montée de la température et de la pression. En outre, il reste une grande inconnue. C'est le comportement des différents coriums engendrés par la catastrophe du 11 mars. Ils ont chacun des masses et des compositions différentes, selon ce qu'il y avait au départ dans chaque réacteur, et selon ce qu'ils ont mangé sur leur passage. La modélisation de l'activité d'un corium d'une aussi grande masse n'a jamais été réalisée. Et l'accident de Fukushima devient une expérience. Sauf que cette expérience se fait et se fera dans un milieu non confiné, aux dépens de la population japonaise, au premier chef, mais aussi de la population mondiale, puisqu'elle est partie pour durer des dizaines d'années. L'idée défendue par le milieu nucléaire de se servir du retour d'expérience de Fukushima pour réaménager le parc nucléaire mondial existant est donc un leurre, puisqu'on ne connaîtra réellement ce qui s'est passé que dans des décennies. Dans le département de Kunohama, à 18 miles de la centrale, j'ai trouvé des panneaux, fabriqués avec des bouts de tatami, rejetés par le tsunami, et sur lesquels chaque mot, tracé à la main, était rempli de haine, et résonnait dans mon cœur. Parce que la mairie avait déclaré le district sain, peu après l'accident nucléaire, les habitants n'avaient pas été autorisés à évacuer. Mais en même temps, aucun approvisionnement ne pouvait y être acheminé, aucun volontaire ne pouvait s'y rendre, parce que la zone était trop proche de la centrale. J'ai entendu dire que des messages assez similaires à ceux gravés sur les tatamis avaient commencé à apparaître de plus en plus fréquemment vers le mois d'avril. Alors que nous repartions, nous avons croisé de nombreux cris de rage, adressés au gouvernement, griffonnés sur des bouts de bois et autres supports de fortune. Les médias de masse ne relaient aucun de ces messages, alors que ce sont précisément ces gens de Fukushima qui auraient beaucoup à nous dire. 1. Nous ne voulons plus d'énergie nucléaire. 2. Allez-vous tuer les habitants de votre propre pays? 3. Prenez les réacteurs et emmenez-les ailleurs avec vous. 4. Les habitants sont exposés aux radiations. Pendant notre voyage, Cam a expliqué ce qui s'était passé dans sa communauté. Lorsque l'un des membres de son groupe, qui travaillait dans le nettoyage industriel, est arrivé à l'usine un matin, on lui a ordonné d'enfiler une combinaison NRBC. Ensuite, on l'a obligé à nettoyer les véhicules qui avaient été utilisés dans la centrale pendant l'accident nucléaire. Aucune explication ne lui a été donnée. Il y avait des tentes à côté, dans lesquelles les travailleurs du jour dormaient, épuisés à cause du manque de nourriture et des conditions de travail extrêmes. Il y avait aussi des employés de TEPCO, qui discutaient tranquillement entre eux dans les voiturettes, sans rien faire. Les employés de TEPCO ne sortaient des véhicules qu'en cas de visite de journalistes ou de membres du Parlement, afin de leur montrer combien ils travaillaient dur. Lorsque l'ami de K a compris leur petit manège, il dit avoir eu envie de tous les tuer. Le lendemain matin, il a plu. Tous les enfants qui partaient à l'école portaient un masque, un ciré et un parapluie. Le 15 avril, le gouvernement avait augmenté les seuils acceptables d'exposition aux radiations pour les enfants à 20 millisieverts par an. Ce chiffre dépasse les doses standards qui autorisent les travailleurs industriels à obtenir des indemnités en cas de leucémie. Dans de nombreuses écoles, le niveau de radiation était aussi élevé que dans les Radiation Control Zones, dans lesquelles le gouvernement invite les habitants à évacuer. Les parents et les surveillants avaient demandé aux gouvernements locaux d'attendre pour ouvrir les écoles. Mais le gouvernement fédéral a ordonné au ministre de l'Éducation de Fukushima de déclarer la reprise des cours. Il paraît même que des habitants de certaines zones ont dû signer un document. Si quoi que ce soit arrive, l'école ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable. L'exploitant nucléaire de la centrale de Fukushima paraît incompétent et dissimulateur, voire incohérent, à la limite irrationnel. Mais a-t-il un plan ? 30 mois après le séisme et le tsunami qui ont provoqué une catastrophe atomique dont nous commençons à peine à percevoir la gravité, il est manifeste que oui. L'idée globale est simple. Attendre le prochain événement qui, détruisant les citernes, peut-être la piscine du réacteur 4, ajoutant une radioactivité astronomique à celle qui est déjà extrêmement élevée, rendra le site totalement inaccessible. TEPCO pourra dire « Cela nous dépasse, nous ne pouvons rien faire, ce n'est pas notre faute ». Autrement dit, un fait qui permettrait de naturaliser la catastrophe et d'en faire un destin inéluctable, contre lequel il n'y a donc plus de raison de dépenser des sommes d'argent en croissance constante. Un bon séisme serait parfait mais un effondrement de sous-sol conviendrait, ou une explosion de l'un des coriums. Bref, un événement qui permettrait enfin de franchir le seuil de l'impossibilité d'agir. Depuis le début, TEPCO attend, et fait le minimum pour entretenir l'illusion d'une action. L'inertie et l'attentisme devenaient si visibles ces dernières semaines que tous les ministres du nouveau gouvernement se sont mis à s'agiter dans tous les sens, émettant promesses et déclarations afin de tenter de masquer la réalité. Le refus, depuis le début, de s'occuper vraiment du problème. Et pour cause, ils savent bien qu'ils n'ont pas de solution. À vrai dire, personne n'a de solution. C'est pourquoi les autres États nucléaires et leurs entreprises sont si discrets et attendent aussi patiemment l'aggravation de la catastrophe jusqu'à un seuil au-delà duquel il sera impossible de venir sur les lieux. Si bien que les preuves de l'inaction de TEPCO seront ensevelies, si bien que toute action humaine sera rendue impossible. Ils ont donc conjointement placé l'humanité face à un volcan nucléaire qui, pendant des dizaines de millénaires, va dégueuler dans l'océan et dans l'atmosphère des quantités astronomiques de radioactivité. Tel est le plan de TEPCO, qui attend, ce serait vraiment une aubaine, un séisme. Il sera ainsi possible d'accuser la Terre, les eaux, bref, la nature. En 1930, un brouillard tua, dans la vallée très industrialisée de la Meuse, une soixantaine de personnes. On accusa la météorologie. C'était le vent qui avait rabattu les fumées toxiques vers le sol. Cet exemple, parmi tant d'autres, illustre la tendance lourde de l'industrialisation à naturaliser les catastrophes industrielles. Trois ans se sont écoulés depuis la triple catastrophe japonaise. L'archipel vient de commémorer ce qu'on considère au Japon comme la crise la plus grave survenue dans le pays depuis les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Pour les Japonais, il ne s'agit pas de l'accident de Fukushima, mais du 11 mars, un puissant séisme, un tsunami gigantesque dépassant l'imagination, et enfin, un accident nucléaire encore en cours. Bien que Koriyama présente à certains endroits des taux de radiation dangereux, cette ville, située à 80 km à l'ouest de la centrale, a été désignée pour accueillir les riverains du complexe nucléaire de Fukushima. Parmi eux, les réfugiés venus de Kawoshi, village situé à une trentaine de kilomètres de la centrale, ont été logés dans des préfabriqués à l'écart du centre-ville, dans l'attente d'un retour prochain. Kawoshi compte parmi les villages dans lesquels les travaux de décontamination sont jugés les plus avancés, si bien que le maire a commencé à rappeler les habitants dès janvier 2012. Épargnés par le séisme et le tsunami, la plupart des maisons et des bâtiments sont restés en bon état. Seule la radioactivité rend ce lieu invivable. Mais depuis les efforts conjugués des habitants et des ouvriers venus de tout l'archipel, les autorités locales ont déclaré propre et habitable la majorité de la commune. La mairie de Kawoshi atteste, mesure à l'appui, de taux de contamination peu élevés d'environ 0,2 microsievert par heure, soit 25% de moins qu'avant les travaux de décontamination, mais 6 fois plus qu'avant l'accident nucléaire. Cependant, si les autorités japonaises prétendent que la décontamination est possible dans les villes et villages, elles n'ont à ce jour jamais déclaré que la nature alentour l'était aussi. Or, deux tiers du département de Fukushima sont composés de montagnes, forêts et bois. Les éléments radioactifs suspendus au feuillage, accrochés aux écorces et incrustés dans la terre, se déplacent au gré du vent, des écoulements, de l'érosion, et reviennent inexorablement polluer villages et habitations déclarées décontaminées. En outre, la centrale d'Aichi reste dans un état critique. que les quatre réacteurs soient toujours éventrés et qu'ils laissent échapper tous les jours des millions de becquerels n'est pas un secret. Au gré du vent, de la pluie et de la neige, ils éparpillent des éléments radioactifs dans les régions limitrophes, sur l'ensemble du territoire et un peu partout dans le monde. Les réfugiés des zones les plus contaminées reviennent dans des lieux qu'ils croient nettoyés pour de bon. À Koriyama, les parents laissent jouer leurs enfants dans les parcs, dans les bacs à sable et sur les jeux en bois qui s'y trouvent. On y mesure parfois jusqu'à 230 000 becquerels par kilo, un chiffre qui ferait certainement bondir ces couples assis tranquillement sur les bancs pour surveiller leur progéniture. Seul un cinquième des habitants est retourné vivre au village de Kawaoshi. Je ne veux pas rentrer. Que voulez-vous que j'y fasse à présent? Moi et mon mari faisions de l'agriculture avant. Je me suis occupée toute ma vie de mon potager. Mais maintenant, je ne pourrai plus rien y produire. Confie Chieko, 45 ans, devant le préfabriqué de 25 mètres carrés, attribué à son couple par la ville de Koriyama. Tout comme ses voisins d'infortune, Chieko a perdu son emploi avec la catastrophe et a d'abord vécu sur les indemnités versées par TEPCO, la compagnie gestionnaire de la centrale d'Aichi. Mais depuis août 2012, et l'annonce de la prétendue fin des travaux de décontamination, le versement des 100 000 yens mensuels, c'est-à-dire 715 euros environ, aux sinistrés de Kawaoshi a été suspendu. Cette décision de la compagnie d'électricité a provoqué la colère des évacués, des jalousies entre sinistrés de différents villages, mais aucune protestation digne de ce nom. Plus les travaux de décontamination des villages avancent, plus les sinistrés seront rappelés à rentrer chez eux et verront leur indemnité versée par TEPCO, à l'instar des habitants de Kawaoshi. Certains évacués disent qu'ils auraient préféré que leur maison soit plus proche de la centrale, et donc définitivement inhabitable, ce qui leur aurait permis au moins de toucher les indemnités jusqu'à leur mort. Ici, dans le camp des sinistrés, personne ne croit vraiment pouvoir retrouver un travail à Kawaoshi. À certains endroits du village, les infrastructures aussi élémentaires que les systèmes d'abduction d'eau potable et le système d'égout ne sont toujours pas rétablis. Sans salaire et sans agriculture vivrière saine possible, y habiter semble de toute façon difficile. Yuki, la voisine de 87 ans qui marche à l'aide de cannes, ajoute « Il n'y a plus d'hôpital en état de marche à Kawaoshi. Il y a quelques médecins, mais j'ai besoin d'être hospitalisée régulièrement. Pour moi, la question de rentrer à Kawaoshi ne se pose même pas, même si j'en ai envie. » Pas d'hôpital, pas de potager, pas d'emploi. Comment expliquer alors qu'une partie des habitants soit tout de même retournée au village? Contribuez à la reconstruction de votre région, peut-on lire sur les affiches de transport en commun. Ou encore, recherche employés pour décontaminer la ville, facile et bien payée, accessible aux femmes au foyer. Unique opportunité d'être embauchée localement, le travail de décontamination a pu convaincre une partie des habitants qui ont aussi trouvé avec cette source de revenus l'occasion de participer à la reconstruction de leur terre natale. De quoi séduire, surtout lorsque ces travaux de décontamination, enlever la terre, débroussailler, passer les surfaces au karcher, sont présentés comme de banales opérations de nettoyage. Accessible même aux femmes au foyer, c'est dire. Finalement, il s'agirait ni plus ni moins d'un grand ménage de printemps collectif. À Koriyama aussi, durant l'été qui a suivi la catastrophe, des lycéens ont été sollicités par leurs professeurs pour nettoyer le terrain de sport de certaines écoles de la ville. Je ne savais pas à l'époque que la décontamination était une activité aussi dangereuse. Il serait impensable aujourd'hui de laisser les mineurs faire une chose pareille. Explique l'air abattu Norito Yamada, professeur de physique chimie dans un des lycées concernés. Au Japon, il est coutume de responsabiliser les élèves des écoles primaires en les obligeant à nettoyer leur salle de cours ou les jardinières de la cour de récréation. Le professeur du même lycée, accusé par les parents d'avoir exposé les enfants à une contamination dangereuse, s'est défendu par ces mots. Il ne s'agissait nullement de décontaminer, mais de mettre de l'ordre dans les différents espaces de l'établissement et de leur apprendre la discipline. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de voir des jeunes mères participer une à deux fois par semaine à ces travaux de nettoyage pour boucler le budget du ménage. Les risques pour la santé et l'efficacité de ces opérations ne sont ni débattus, ni pris en compte dans la plupart des cas. Bien que le ministère japonais de l'Environnement préconise d'être muni d'un masque à gaz et d'une combinaison anti-radiation comme celle des liquidateurs travaillant à la centrale, les travaux de décontamination menés à l'échelle locale par des associations de riverains ou des compagnies de sous-traitance ne donnent lieu qu'à des distributions de masques de gaz, de gants de vaisselle et d'anoraks. En plus d'être devenu un travail banalisé, la décontamination revêt aussi le caractère d'un acte citoyen. Il s'agit là surtout de l'un des seuls espoirs auxquels peuvent s'accrocher ceux qui ont dû quitter leur maison du jour au lendemain. Déchirés, ils rêvent de rentrer et de retrouver une vie digne de ce nom. C'est sur cet espoir que comptent les autorités locales et le gouvernement japonais pour maintenir l'ordre et redresser l'économie de la région. La politique de reconstruction, selon ce dernier, consiste à faire en sorte que tout le monde se serre les coudes, en rentrant chez soi, en prenant en charge les travaux de décontamination et en consommant les produits locaux. Cette gestion étatique de la catastrophe fait en partie écho aux aspirations des habitants qui, de leur côté, s'accrochent désespérément à tout espoir d'un retour à la normale. La position de M. Yokada, maire de Kawashi, éclaire l'angoissante contradiction à laquelle chacun est renvoyé. Si les habitants ne reviennent pas d'ici 1 à 2 ans, le village sera perdu, à jamais. M. Yokada ne peut admettre que cette terre soit abandonnée, puisque les autorités considèrent la décontamination comme possible. Connaissez-vous la perte incertaine ? Imaginez, vous apprenez qu'un proche est mort, mais on vous laisse croire qu'il pourrait revivre. Vous courez le voir, vous le trouvez dans son lit, il semble dormir paisiblement. Tout indique qu'il suffirait de patienter à son chevet pour le voir bientôt rouvrir les yeux. Comment le quitter ? Faire son deuil ? Pourquoi chercher à obtenir justice ? Si ce proche n'est pas mort, il n'y a pas d'assassin. Voilà ce que les sinistrés du nucléaire subissent, une perte incertaine de leur terre et de leur vie passée. Personne ne sait véritablement ce qui est perdu. Les autorités assurent que la décontamination permettra de vivre à nouveau chez soi. Avec cet espoir entretenu, comment partir ou chercher des coupables ? N'est-il pas compréhensible qu'un sinistré garde l'espoir que tout ne soit pas perdu et qu'en décontaminant, il retrouvera ce qui lui a été ôté, son chez-soi, ses ancrages territoriaux, sociaux, familiaux ? Pour la majorité des évacués qui décident de ne pas rentrer et de survivre dans les préfabriqués de Koriyama, la vie reste très difficile. Ces constructions temporaires leur permettent de s'abriter du vent et de la pluie, mais pas du froid glacial de l'hiver de cette région, ni de la chaleur étouffante de l'été. Chaque foyer manque non seulement cruellement d'espace, mais aussi d'occupation. Les retraités et ceux qui ont perdu leur emploi à cause de l'accident se retrouvent pratiquement tous les matins au karaoké d'à côté pour passer le temps. Koriyama voit ainsi fleurir toutes sortes d'activités dites de loisirs, une aubaine pour l'industrie du divertissement et le petit commerce de la consolation. Autour du camp de réfugiés, un nombre anormal de boutiques de karaoké est sorti de terre. Les pachinkos, ces sortes de flippers japonais hyper addictifs, hypnotisent les sinistrés à longueur de journée. Ils y laissent leurs maigres économies sur lesquelles ils peuvent encore compter. Quand ce ne sont pas le karaoké ou les jeux qui ruinent les évacués du nucléaire, ce sont l'alcool et les drogues, vices des désespérés de la perte incertaine parqués dans ces préfabriqués. De plus en plus d'évacués consomment du chabou, drogue à base d'amphétamine et de méthamphétamine. Se présentant souvent sous forme de poudre blanche ou de pastilles colorées, c'est la drogue dure la plus répandue dans l'Est asiatique. Les autorités sont alertées sur ces graves problèmes d'addiction. mais aucune mesure concrète n'a été mise en place, hormis quelques préconisations aux gardiens des centres de réfugiés. Ni les autorités locales, ni le gouvernement, ni les médias ne s'expriment publiquement sur la propagation du chabou parmi les évacués de Fukushima. Tout ceci fait la fortune des Yakuza, implantés depuis longtemps dans cette région de Koriyama. Il faut dire que la ville porte depuis longtemps le surnom de Chicago du Nord du Japon, pour les multiples organisations criminelles qu'elle abrite. Wataru Iwata est responsable du centre de mesures citoyennes de la ville de Fukushima. Cet habitant de Tokyo d'une quarantaine d'années, qui consacrait sa vie à la musique sans s'intéresser au nucléaire, est aujourd'hui en la matière l'une des personnes les plus dynamiques de Fukushima. Avec l'aide de quelques bénévoles et de l'association française ACRO, Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, il a installé en ville un centre de mesures citoyennes. S'y trouve un des rares Hold Body Counter de la région, appareil permettant à n'importe qui de venir mesurer la quantité d'iode 134 et de césium 137 se trouvant dans son corps, ainsi qu'un autre appareil pour mesurer la contamination des aliments. J'arrête pas de me poser des questions sur la fonction de ce centre. Les habitants, d'abord inquiets, cherchent à avoir plus d'informations sur leur quotidien. Les aliments, la contamination, leur propre contamination. Mais après leur passage au Hold Body Counter, ils sont la plupart du temps rassurés. Je leur dis pourtant que la machine ne permet que de mesurer l'iode et le césium, alors qu'il existe bien d'autres éléments radioactifs, comme le plutonium, le strontium, etc. Mais eux, tranquillisés, ils ne cherchent plus à fuir la région. Or, le mieux pour eux serait peut-être de fuir. On comprend la nécessité de ces questionnements. Mais ce genre de centre de mesure indépendant n'est-il pas nécessaire pour des habitants qui n'ont parfois pas d'autre alternative que de rester? L'espace créé par M. Iwata est une tentative pour ne pas laisser carte blanche aux autorités qui ont eux aussi leur centre de mesure, leur machine, auxquelles les habitants n'accordent pas confiance. C'est un espace d'information pour les plus démunis. C'est un lieu de discussion où l'on peut échanger ses inquiétudes et s'entraider pour éloigner les enfants le plus possible au moment des vacances. Une tentative modeste de prendre la mesure de la catastrophe face à sa sidérante démesure. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org.